C'est le commentaire sportif de notre ami Roger Bullitt. Salut Roger. Salut Danny. T'as assisté hier au funérail de Mike Bossy, j'ai vu ta chronique dans le Journal de Montréal. Comment c'était? Une cérémonie digne de Mike Bossy. OK. Dans la simplicité avec grande classe. Et pendant 1h30, c'était des messages d'amour qui ont été transmis aux gens. Les membres de sa famille, des amis, qui sont venus adresser la parole concernant l'amitié et l'amour que Bossy avait pour son monde et avec sa famille. Et sans aucun doute, le moment très touchant, c'est lorsque Brian Trottier a interprété deux chansons en jouant de la guitare. Ça, c'était assez spécial. Il n'a pas chanté une en français aussi. J'écoutais à la dose un podcast, puis il disait... On the road again. Il a chanté On the road again en anglais et en français, parce qu'en français, il avait composé des paroles avec Mike Bossy, parce que Bossy était tanné d'entendre chanter tous les fois On the road again quand il était sur la route. Puis là, qu'à un moment donné, Trottier dit, dis-moi une parole en français. Fait qu'ils ont composé la chanson en français aussi. Fait qu'ils chantent en anglais et en français On the road again. OK. Il y avait plusieurs personnalités, évidemment, qui étaient là. J'ai eu du hockey. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Islanders, oui. D'anciens Islanders qui étaient là? Il y avait juste Trottier qui était là. OK. Ancien Islander. Trottier est le propriétaire de l'équipe qui était là au funérailles. Bon, là, comment je pourrais dire ça? C'était réellement émouvant, touchant, mais surtout, on était bien d'entendre parler de Michel Bossy. OK. Là, maintenant, on va se tourner vers Guy Lafleur en fin de semaine. Ça va être quelque chose de gros, là. Ben écoute bien, c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier. Tu sais, si tu regardes l'histoire du Canadien, parmi les grands, mais c'est le dernier des grands. Ouais. Alors, ça va être assez émotif pour tout le monde. Et ça va être une cérémonie. Je pense qu'encore une fois, les gens vont pouvoir exprimer leur amour à la Chapelle Ardente pendant 2 jours. Les partisans sont invités d'aller rendre hommage à Guy Lafleur. Ça va être des moments assez intenses. Ouais. Roger, on parlait un peu de baseball. Les Blue Jays sont en feu. Hein? Ils n'ont pas perdu une série de l'année. Et Teoscar Hernandez n'est même pas là non plus. Fait que c'est un gros coup de bâton qui n'est pas là non plus. Là. C'est ça qui m'inquiète. Ce que tu as dit, c'est un gros coup de bâton. Hier, on a vu un match 1-0. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça chez les Blue Jays, un match 1-0. Parce que cette année, les matchs décidés par un point, ils ont une fiche victorieuse. Je pense que c'est 5 ou 6 victoires. Par la marge d'un point. C'est là que la grande différence entre cette année et l'an dernier. C'était justement ça que je me préparais pour partir. T'sais, on dit tout le temps en avril, on ne gagne pas un championnat, mais on peut perdre. Et ça a fait mal l'année passée. On le perd au mois d'avril sans aucun doute. Et tu peux le gagner. Parce que tu regardes la façon qu'ils vont là, ils vont bien, mais heureusement qu'ils vont bien, parce que les Yankees ne sont pas payés non plus. Oui, effectivement. Alex Manoa, qui s'impose vraiment comme un bon. Mais moi, je l'ai dit, il a le potentiel d'être un excellent lanceur numéro 2 dans une rotation. Là. Oh, il va être numéro 1 tout à l'heure. Oh. Il va être numéro. Là, il n'est pas encore numéro 1, là, mais il va. Moi, je pense qu'à la fin de l'année, il va être ton lanceur numéro 1. Mais c'est incroyable quand tu regardes ça. Là. Il n'a quasiment pas lancé dans le baseball mineur. Il arrive dans les majeurs, puis il est dominant. C'est vraiment toute une acquisition. Hey, les Giants de San Francisco. Et... Oui, continue, Roger. Oui. Et pour juste finir sur le lanceur des Jays, il sait comment lancer. Mm. C'est ça qui est la grande différence. Il ne fait pas juste que lancer la balle à 100 000 à l'heure, ce que le jeune Pearson fait qui n'a pas compris, ce que Green fait avec Cincinnati. Il sait comment utiliser ses lancers et surtout la vitesse de ses tirs. Oui. Green, c'est justement ça. Je pense qu'il va y avoir des... J'en parlais avec François Paquette. Je pense que les mots de bras, là, oui, c'est spectaculaire, mais les mots de bras, l'opération Tommy John Leggett. Hein? Mais lui, il va être un releveur. Ouais. Parce qu'il a juste deux lancers. OK. Un peu comme Chapman. Oui, rappelle-toi quand Chapman est arrivé. Il était spectaculaire aussi. Même chose. Moi, je le compare. Au tout début, en nom, j'avais dit que je le comparais à Chapman. Parce que dans le baseball majeur, tu ne peux pas être partant avec seulement deux lancers. Non, effectivement. Parce que si tu as deux lancers, tu vas en effectuer 80, les frappeurs vont être prêts. Oui. Les Giants, ça va se faire Roger. C'est incroyable. Je pensais que c'était. Tu sais, c'est Buster Posey. T'as Buster Posey qui n'est pas là. De Gosman, le lanceur des Giants, qui est rendu avec les Blue Jays, continue à gagner. C'est extraordinaire ce qui se passe à San Francisco. Il faut donner crédit au directeur gérant qui est allé chercher des vétérans d'un peu partout. Ouais. Et ces vétérans-là font un travail exceptionnel. C'est pas tes joueurs clés. Tes joueurs clés, mais t'as Crawford à l'arico qui lâche pas et t'as Belt au premier but. Fait que t'as deux gros joueurs qui font le travail. Puis lui, il rajoute autour de ces joueurs-là. Puis Longoria au troisième. Fait que, tu sais, t'as trois bons vétérans qui vont te transporter un peu. T'as Gabe Kapler, il fait tout un job aussi, là. Ah, ben écoute, mais c'est le même gars qui a été huit lors de son premier match comme gérant à Philadelphie. Ça te donne une idée. Ouais, effectivement, effectivement. Roger, on se parle pour les. On s'en parle probablement le plus mardi, ce coup-là, parce que pour faire un compte-rendu de ce qui s'est passé à Guy Lafleur, après les funérailles. OK. Donc, les funérailles, c'est mercredi. Après les funérailles, OK, c'est correct. Oui. Donc, okay. C'est Roger Bullitt qui nous parlait.